Mon nom galant de la pièce Métropolis à Assemblage Requis, c'est une pièce du palmarès francophone, bien sûr, n'est-ce pas, Stéphanie? Effectivement, Mathieu. Donc, Stéphanie Paradis, Mathieu Plante, toujours Assemblage Requis. Aujourd'hui, on reçoit un peu comme on a fait tous les jours cette semaine, en fait, mardi, mercredi, des candidats aux élections de la GQTR qui se déroulent en ce moment. En fait, c'est jusqu'à ce soir qu'on peut voter sur le portail étudiant. Et on reçoit encore 3 candidats pour savoir comment mieux voter, n'est-ce pas, Steph? Oui, Mathieu. On commence donc avec le VP. Candidat VP à la vie associative et à l'environnement, c'est Robin Fournier. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi-même? Ça va très bien aussi. Stéphanie, je sais pas si tu la connais, mais c'est Stéphanie Paradis. Ça. Oui. J'aime ça, j'aime ça. C'est bon, hein? C'est le donc, on a des journées comme ça. Des journées qu'on comprend rien. Donc, on a des questions à poser dans l'ordre. On va faire ça tour à tour, Stéphanie et moi. Je vais te laisser commencer avec la première question. Oui. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? OK. Moi, je suis un nouvel étudiant de l'UQTR en psychoéducation. J'arrive directement de Valleyfield, je suis frais fait du cégep. Les régates, hein? Oui, les régates de Valleyfield! Oh! Oui, il s'est jamais fait dire ça, je suis sûr. Non, c'est ça, sûrement pas. Non, mais ça, ouais. Fait que, ouais, attends, j'arrive directement du cégep. Ouais. Cool, c'est cool. Est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes, c'est-à-dire VP à la vie associative et l'environnement? Une brève description, moi, je vous dirais, premièrement, faut un VP à assaut. Il faut carrément que ça s'occupe de toutes ces associations, évidemment, à mon avis. Là. C'est la communication entre elles, c'est les liens qu'on peut faire entre elles, les projets qu'on peut faire entre elles. Au niveau de l'environnement, ben là, je pense que ça le dit assez bien. Là, de nos jours, faut penser développement durable, faut penser à long terme. Puis je pense que c'est des projets qui vont probablement venir me chercher quand même beaucoup. C'est des gros projets qui vont être organisés, du nouveau. Puis c'est pas mal ça. Je pense que c'est pas mal ça. Ben, c'est bien. Et puis quelles sont tes expériences pour le poste convoité? Mes expériences pour le poste convoité, présentement, je suis de première année. Je suis arrivé, j'ai rentré VP socio-Q en psycho-ed. Puis, après... Socio-Q, c'est socio-culturel, hein? Oui, oui. Ouais, c'est sûr que... Aussi! Je sais pas si c'est propre, mais en tout cas... ouais, fait que j'ai commencé par organiser des activités. Puis, ma présidente a démissionné pour peu importe les raisons. Il y en a plusieurs. Puis, tout le monde s'est un peu tourné vers moi pour ma présence, mon leadership. Puis, j'ai pris le poste de président avec beaucoup de... Je vous dirais... plaisir parce que j'adore l'implication, j'adore ce que je fais. Au cégep, c'était beaucoup l'implication sportive. Puis je me suis dit qu'en arrivant à l'université, ça serait des nouveaux défis. Donc je suis devenu président de mon asso. Par la suite, j'ai organisé quand même plusieurs petits projets avec Michael Magny. Là, nécessairement, je suis impliqué dans la désaffiliation, la restructuration, qui est quand même un autre gros sujet de l'heure. Puis dernièrement, je suis devenu président de l'AMP, qui est l'Association des mâles en psychoéducation du Québec. ouais, on a, okay. À chaque année, on a un psycho-ed fest qu'on appelle, où toutes les universités se rassemblent. Puis, le festival de la saucisse, comme on l'appelle. on peut dire ça comme ça. Puis c'est ça. Puis tous les gars, on s'est pognés ensemble. Puis c'est tous des gars de partout à travers le Québec, de toutes les universités. Puis j'ai été élu président de cette association-là. Donc, okay. Je suis le représentant des mâles en psychoéducation. Félicitations d'être un mâle. Et voilà. Est-ce qu'on t'est un projet important si t'es élu à ce poste-là? Des projets importants, je vous dirais que vite de même, moi, j'étais un gars qui aime ça sortir de l'ordinaire, qui aime ça le nouveau. J'aime les projets qui sont du jamais vu. Est-ce que j'ai des idées de projets pour l'instant? Pas vraiment, je vous dirais. Je pense que ça va venir avec le temps. C'est vraiment quand je vais entrer en poste, je vais voir qu'est-ce qu'il y a déjà fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. C'est sûr, ça va être à regarder. Puis au niveau des associations, là, c'est sûr que là, des projets encore là, c'est comme je dis, moi, j'aime ça le nouveau, ce qui sort de l'ordinaire. Donc, je vais repartir des nouvelles activités qui iront, à mon avis, il faudrait qu'elle aille chercher plus d'intérêt d'universitaires. Ouais. Puis c'est vraiment ça. Cool. Excellent. Et que représente l'AGE UQTR pour toi? Ce que représente l'AGE UQTR, wow! On a-tu des bonnes? Hein? Ah, non, pas payé, ça. Premièrement, ça représente chaque étudiant. Peu importe soit-il, dans n'importe quel programme, je pense que à chaque fois que je vais parler, que je vais agir, que je vais organiser une activité, je vais le faire en le nom de chaque étudiant. Je pense que c'est à ne pas oublier. En autre, ça, l'AGA UQTR, c'est des CA beaucoup trop longs. Beaucoup trop longs. Puis, je pense que c'est quelque chose, c'est des sujets puis des projets sur quoi il faut se pencher. Il faut aller de l'avant puis essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là parce que présentement, à mon avis, c'est problématique. Donc, je vous dirais que, en gros, c'est pas mal ça. C'est ça. Justement, on va rester dans le domaine vraiment de la GEQTR en général. Quels sont les enjeux importants de la GEQTR pour toi, pour l'année à venir, vraiment en général, pas juste dans ton poste? Les enjeux à venir, je pense que, premièrement, on l'a vu par les années passées, c'est l'implication universitaire. Je trouve que, tu sais, juste, je parlais avec Jason Kemp, le président des élections. On parlait l'année passée d'un 10% des personnes qui votent juste aux élections, ce qui est très minime. Puis on regarde les élections provinciales. L'année passée, on parle des 18-34 ans, 65% de la population. Comment ça, est-ce qu'à l'université, on parle de juste seulement 10%? À mon avis, ça, c'est problématique. Comment est-ce qu'on peut aller chercher le reste de la population? Faudrait trouver les... T'sais, aller voir les gens... Puis vraiment s'informer, je pense que ça fait vraiment partie des gros enjeux universitaires. Un autre qui est quand même, comme j'ai mentionné tantôt, la désaffiliation, le projet de restructuration. Ça, d'après moi, c'est un autre projet qui va être mis de l'avant quand même beaucoup dans la prochaine année. En étant provenant moi-même du Michel Sarrazin, je pense que je suis quand même assez conscient de ce qui se passe, de la situation, des théories qui sont mises sur place, puis pas des solutions, mais plutôt des idéologies qui sont avancées. Donc, ça va être un projet à travailler, à mon avis. Super. Tu as peut-être répondu un petit peu, mais j'ai quand même, si tu veux rajouter quelque chose, pourquoi tu t'es présenté à ce poste-là précisément? Précisément, premièrement, parce que moi, j'étais un gars de changement qui adore s'impliquer. Moi, quand je vois un problème, j'ai besoin de le régler. J'ai besoin de m'impliquer, tout simplement. J'adore l'implication, comme j'ai dit tantôt au cégep. Moi, j'étais beaucoup au niveau sportif, dans tous les domaines. J'étais partout. Là, j'arrive ici. Moi, je joue au volleyball, j'arrive ici, il n'y a pas de volley. Enfin, pour gars, il y a du volley pour filles. Il y a du volleyball pour filles, exactement. Puis, je dis, bon, OK, mais comment je peux aller chercher mon implication? Au niveau de l'association étudiante, je pensais que c'était le meilleur moyen d'amener me chercher. Puis c'est exactement ça qui se passe. J'adore les projets qu'on part. Ça vient vraiment me chercher. Puis comme j'ai dit tantôt, j'étais un gars qui, quand il voit des problèmes, comme par exemple celui du CA ou la restructuration, moi j'ai besoin de solutions. Puis je pense que je suis une des bonnes personnes qui va aller de l'avant puis qui va pousser dans ce sens-là. Encore une fois, une autre question. On t'a un petit peu touché le sujet tantôt, mais je te la demande quand même parce qu'on demande les mêmes questions à tout le monde. Mais qu'est-ce que tu penses faire pour intéresser les gens à voter plus aux élections? Tu as mentionné 10%. Des solutions vers un plus haut pourcentage? Premièrement, je pense que il y a quand même beaucoup de mesures qui sont mises en place. Jason Kemp, il m'impressionne quand même beaucoup ce qu'il a fait cette année. Vraiment, il va vraiment vers l'information. Le matin, il va marquer des mots sur les murs. C'est incroyable. On appelle ça du graffiti, c'est illégal. Arrêtez cet homme! Non, mais c'est pas si pire que ça. Il a l'air délinquant, mais pas tant que ça. quand même, c'est ça que je disais, il met beaucoup de l'avant. Puis moi, je pense que la petite affaire que je suis prête à mettre de plus, c'est peut-être aller vraiment voir les gens. Pourquoi tu votes pas? Qu'est-ce qui fait que tu votes pas? T'sais, c'est-tu un manque d'information? Peut-être qu'au MS, je comprendrais. OK, ils ont un pavillon à part, là, t'sais, mais encore là, même juste dans ces pavillons-ci, il n'y a pas de raison. Donc, je pense vraiment... qu'il faudrait aller faire de l'individuel. Il faudrait aller un par un, voir qu'est-ce qu'il vient de chercher, pourquoi, de quelle façon. Faut-tu une bourse pour que tu viennes voter? C'est quoi? Non, mais c'est ça. Cool. Et écoute, en terminant, le petit bout préféré à Mathieu. Le petit bout préféré à Mathieu. C'est tellement vague, il y a tellement de petits bouts que j'aime. Hein? Est-ce que tu aurais un dernier petit mot, une pensée ou un slogan? Ah, c'est vrai. Ce que je dis, c'est que d'habitude, oui, c'est moi qui donne un slogan. Il faut que tu le battes. C'est comme ma nouvelle idée cette année, c'est ça. Là, j'avais deux slogans. C'est vraiment... Tu sais, t'as un nom comme... qui est facile de faire des jeux de mots poches avec, mettons. Dis le même, là. OK, j'en parlerai pas personne. C'est bon, vas-y. Non, vas-y. C'est pas méchamment. Mais mettons, tu sais, des nouvelles idées, moi, vous en fournier. Pas bien. Ou encore, des nouveaux projets, moi, t'as Robin Story ça, t'sais. Robin Story. Oh! J'essayais d'y aller un petit niveau quand même. Un petit niveau. OK, mais franchement, j'aurais pas pensé à ça. Moi non plus, c'est ça. C'est quand même costaud. Je sais pas si t'as pensé à ça. J'y viens juste pendant que... Ah, tu viens juste? C'est quand même pas plat. Il est comme ça tout le temps. Ah ouais? C'est déplaisant. C'est déplaisant. T'as l'air de bien t'entendre avec Stéphanie, fait que ça va bien. Oui. Ben, Stéphanie et moi, on est comme. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Oui. On en parle, je sais plus quoi. Les petits bouts. Wow! Okay. Ouais. Mais ça pourrait être ça ton slogan. Ouais, voulez-vous qu'on en parle? Voulez-vous qu'on en parle? Je suis psychoéducateur. C'est bon. Et voilà, c'est je pense qu'on a quelque chose. C'est gagné, je pense qu'il m'a battu. Et voilà, et voilà. Pas dur, hein? Oui, facile. Donc, on te remercie, Robin Fournier, candidat vice à la vie associative et à l'environnement. Tu affrontes, en fait, t'es le seul à affronter quelqu'un. Audrey Cloutier, qu'on a reçu à l'émission de mardi. Oui, totalement. Et on pose pas de questions débat parce qu'on n'est pas un débat. De toute façon, elle n'est pas là pour se défendre. Donc, voilà. On passe à notre prochain candidat qui est candidat à la vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs. On parle de Karim Laroussi. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Ça va bien toi aussi? Merci à vous. Ben oui, merci. Donc, on y va avec les questions et cette fois-ci, c'est moi qui commence. Oh. Okay. Ah oui. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Ben, moi, je suis étudiant en maîtrise mathématiques et informatique. La prochaine session d'été, ça serait ma 5e session ici. Donc, je compte encore passer à la 6e ou peut-être à la 7e session, tu vois, parce que quand on est en maîtrise et qu'on veut publier un ou deux articles, on est obligé d'aller à la 6e ou à la 7e session. Donc, c'est ça. OK. Parfait. Et puis, est-ce que tu peux nous faire une brève description du poste pour lequel tu te présentes? Bon, je me présente pour le poste de VP Affaires académiques du cycle supérieur. En fait, je représente tous les étudiants au cycle supérieur. Je prends toutes leurs plaintes. J'essaie de présenter des solutions à tous leurs problèmes qu'ils affrontent au cours de leur parcours universitaire. Voilà. C'est quand même beaucoup de travail, donc. Ouais, ouais. Quelles sont tes expériences pertinentes pour ce poste-là? Sincèrement, c'est ma première expérience comme VP ou comme représentant des étudiants dans mon parcours. Donc, c'est un défi pour moi. C'est pour ça que je me suis lancé dedans. J'espère que je serai à la hauteur et je serai présent. Et, parfait. Et puis, quels sont les projets importants si tu es élu? Ben, je vais vous parler sincèrement lors de la collection des signatures pour ma candidature. J'ai trouvé un petit problème avec les étudiants. Ils savaient pas où intervenait la GE pour les aider dans leurs problèmes ou dans leur parcours de cycle supérieur. Ben, j'étais obligé de leur expliquer un à un pourquoi je pose ma candidature, pourquoi fallait faire ça. Donc le projet, ça serait la meilleure chose pour moi, ça serait de faire une petite page web ou une petite plateforme d'interaction pour tous les étudiants qui seront là. Donc tout le monde pourra déposer leur plainte ou présenter leurs problèmes sur la plateforme. Je pourrais interagir avec eux directement, pas la peine de venir, pas obligé de venir me voir directement ou de m'appeler. Donc ça serait une interaction pour tout le monde et ça serait plus facile, je crois. Mm-hmm. La question difficile du milieu de la chronique. Que représente la GEQTR pour toi? Bah, la GE, d'après ce que je vois, c'est une petite famille dans l'université. C'est comme si tu vois que ton petit frère ou ta petite soeur a un problème dans la famille, tu es obligé de courir pour la secourir et pour lui donner un coup de main. Donc la GE, d'après ce que je vois, c'est ça dans l'université. Parfait. Et quels sont les enjeux importants de l'AGE-UQTR en général pour l'année à venir? L'enjeu, c'est comme j'ai dit, essayer de sensibiliser le plus et le maximum d'étudiants et de le faire interagir dans l'AGE, de les ramener de plus en plus vers nous. Comme ça, on gagnera plus de confiance et ça sera plus magnifique à l'université. Donc, il y aura plus de votes et plus de gens ici. En effet. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter à ce poste-là, les raisons que tu t'es présenté spécifiquement à ce poste-là de cycle supérieur? Je vous montre pas la principale raison, c'est un défi entre moi-même. Personnel. Exactement, c'est un défi. Je me suis dit, si je me présente et si j'ai le poste, ça serait vraiment génial pour moi. J'ai jamais eu une expérience pareille dans ma vie. Donc, j'irai jusqu'au bout et c'est principalement un défi personnel. Parfait. Et puis, que penses-tu faire pour intéresser les étudiants à la GEQTR? Oui. Bah, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la principale chose, c'est de le faire interagir sur une page Facebook ou sur une autre plateforme sociologique. Donc, comme a dit mon collègue Robin tout à l'heure, comme j'ai fait aussi pour les signatures, d'aller les parler un à un, personnellement, leur expliquer en quoi peut intervenir l'AGE pour les aider. Parallèlement, ça serait la plateforme de Facebook ou une plateforme sociologique. Là, on pourrait les sensibiliser plus. D'accord. Et pour terminer, petit mot, pensée, slogan. Et là, évidemment, j'ai moi aussi, j'ai une chose de penser à ça en direct, comme ça. Je vais d'abord prendre un petit accent, ça te dérange pas. C'est vraiment, ouais, pour vas-y, insulter, vas-y. Vraiment pas pour insulter personne. Juste parce que sinon, le jeu de mots fonctionne pas. Donc, je connais les maths, je connais l'info, l'informatique. Les cycles supérieurs, là aussi je connais ça. Laroussi. Laroussi, je connais ça. Ah. Laroussi. Ah, ouais. Hein? Un très bon slogan, ça. Hein? Karim Laroussi. Je le trouvais pas super, quand même. Donc voilà, Karim est là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je peux pas vous en tenir, hein. C'est ça que je trouve pas, mais on se pas trop rire. Donc, c'était le candidat à vice-président aux affaires académiques de cycle supérieur, Karim Laroussi. Merci beaucoup. Prochain slogan sur les affiches, bien sûr. Et on passe à Cathy Simon, qui est, elle, candidate à vice-présidente aux communications. Et en fait, elle est déjà dans le GIA en ce moment, donc on va pouvoir lui en parler. Mais c'est toi qui commence, Stéphanie, avec la première question. Oui, donc quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? J'ai un baccalauréat justement en communication et je suis présentement en première année de maîtrise. Hmm. Est-ce que tu peux nous faire une petite description du poste de VP aux communications, s'il te plaît? Oui, VP aux communications, dans le fond, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est l'image et les communications de la GEQTR, qui passe soit par l'affichage, par les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, mais c'est vraiment la personne qui s'occupe de promouvoir et de passer les messages qu'on a passés. Mmh. Excellent. Et puis, quelles sont tes expériences pour le poste convoité? L'année dernière, j'ai été responsable des communications, justement, pour un parti politique pendant 8 mois. Donc, et par la suite, avant, je veux dire, j'ai été assistante coordonnatrice pour la fête nationale, donc toute la promotion de la fête nationale en Mauricie. Mm-hmm. Quels seront tes projets importants si tu es réélu, parce qu'on doit le dire, c'est le poste que tu as déjà? Oui, justement, en ce moment, depuis à peu près 3 semaines, on travaille sur une grosse stratégie. Justement, on parlait tantôt 10 % de vote, c'est pas beaucoup. Donc, on parlait justement d'une stratégie pour aller vraiment rejoindre le monde, trouver une meilleure façon que les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait déjà, le portail, l'affichage, pour aller chercher justement le plus d'étudiants possible. Ensuite, c'est justement resserrer aussi tout ce qui est affichage et restructurer aussi le budget des communications qu'on a à la GE. Excellent. Et que représente la GEQTR pour toi? Comme les deux gars l'ont dit avant moi, c'est vraiment de... C'est représenter les 10 000 étudiants qu'on a dans l'université, un à un, même... Peu importe le programme, peu importe le pavillon, peu importe d'où ils viennent, c'est vraiment de représenter un à un... l'ensemble des étudiants. Ouais. Quels sont les enjeux importants de la GEQTR, encore une fois, en général? Là, vraiment, on ne parle pas de ton poste aux communications, mais en tout et partout à la GEQTR. Comme ça a été dit aussi, comme je l'ai dit tantôt, il y a le pourcentage de vote, tout ce qui est promotion. C'est un problème. On ne sait pas pourquoi, parce que les moyens sont utilisés, les événements sont publicisés. C'est pas ça le problème. Donc, c'est vraiment, d'après moi, peut-être faire un petit sondage au niveau des étudiants. Comment qu'on pourrait les intéresser? Est-ce que c'est le sujet des assemblées? Comment aller les chercher pour qu'ils puissent se présenter justement dans des événements comme ça? Mmh. Et puis, ça, je pense que ça répond un petit peu, mais pourquoi t'es-tu présenté à ce poste spécifiquement? Justement, je suis en poste depuis février. En février, je m'étais présentée justement par défi. J'étudie en communication, c'est un poste en communication. C'est la première fois depuis 5 ans qu'on va avoir quelqu'un en communication à ce poste-là. Donc, c'est vraiment le défi, puis aussi rehausser l'image et la communication à la GL. Ouais. Je pense, en fait, il y a des questions comme ça qu'on doit à un moment donné dire, bon, on va arrêter de demander cette question-là parce qu'elle a répondu 2-3 fois. Donc, je saute à la dernière. Dans le fond, je pense qu'on passe même à la fin. T'as été vraiment brève, concise et droite au but, toi. Je vois ce que j'avais à dire. C'est quelque chose. J'ai rarement vu ça. On a battu des records de on temps. On est en communication. C'est vrai. Ça. Exact. On fait pas les longues phrases. C'est vrai, j'ai un jeu de mots à faire, moi. J'étais pas prêt, moi, tellement que j'ai d'autres questions. Attention, jeu de mots. Le jeu de mots avec Simon, j'ai déjà fait avec un autre chroniqueur qui s'appelle Simon. C'est son prénom. Ça serait gênant de reprendre du vieux stock. C'est ça. C'est pas très original. Simon Talent, vous plaît, quelque chose comme ça. Tu vois, Simon, quelque chose, c'était à peu près ça. Fait Cathy. Cathy. Attends, faut que j'y pense. Je te laisse aller. Là. Tu m'aides pas, hein? Tu m'aideras pas? Non. Les deux premiers, c'était bon, mais. Oui. Le dernier, il marche pas pour la tête. Si la tendance est médecin, Mathieu, ça va de pis en pis. Merci. Oh non, je vais finir la chronique sans avoir de jeu de mots. Ça se fait pas, ça. Ben non, ça se fait pas. Mm. Impossible. Mais en même temps, je vais pas dire n'importe quoi. Tu peux en trouver un autre avec Simon. OK. Si mon bureau est pas proche de vous autres, passez devant et venez me dire bonjour. Ouais. Non. Wow. Est-ce qu'on va retourner à la Russie? Parce que je trouvais que la Russie était quand même pas pire. Il était la Russie, tu sais. Il était la Russie. La Russie. Ou la Russie. Mais... Bof. Cathy Simon, candidate à vice-présidente aux communications pour un deuxième mandat. Donc, on te remercie beaucoup. Et on va terminer avec notre ami Jason Camp, qui est directeur général des élections. On voulait lui parler en fin de semaine, parce que, étant donné qu'on a reçu tous les candidats, presque. Donc, il n'est pas venu, on s'entend là-dessus. Mais Jason Camp, donc directeur général des élections, bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toujours. Ben oui, ben oui. C'est de me recevoir. Ça me fait plaisir. Et c'est, ça nous fait plaisir, en fait, Stéphane. Oui, ben oui, Mathieu. C'est en ce moment qu'on doit voter. On a jusqu'à 23h. Est-ce que c'est 23h45 ce Exactement, soir? Exactement, c'est 23h45. Ça a débuté lundi soir, 23h45, et ça se termine jeudi, ce soir, à 23h45, donc sur le portail étudiant. C'est très simple. Vous avez en ligne tous les pedigrees, en fait, la description de chacun des candidats. Lorsque vous allez sur le portail étudiant, il y a une petite case « Voter ici ». Vous pouvez lire la présentation de chacun des candidats, puis choisir le candidat pour lequel vous voulez voter. Évidemment, vous avez toujours le choix pour voter pour la chaise si jamais le candidat ne vous plaît pas ou n'est pas dans vos attentes de ce qu'un candidat à la vice-présidence ou à la présidence peut être. Ben, c'est dans tous les postes. Donc, vraiment, même le seul et unique poste où il y a deux personnes qui s'affrontent, il y a quand même aussi la chaise. Exactement, exactement. Donc, d'accord. Ça permet toujours à tout le monde de faire un choix là, comme il veut. Donc, on fait ça jusqu'à 23h45. Quand vont être dévoilés les résultats? Les résultats seront dévoilés, en fait, vendredi à 11h à la Chasse-Galerie. Tous les candidats qui sont en liste, on fait un dévoilement direct. Parfait. Et après ça, ils vont entrer en mandat au début du mois de mai, quelque chose comme ça? Exactement. Il y a un mois de transition là, qu'ils vont pouvoir suivre avec les candidats qui sont déjà en poste pour faire le suivi des dossiers. Et à la toute fin, au début du mois de mai, ben, ils sont lancés à eux-mêmes à l'AGE. Que tu vas pouvoir se regarder dans le miroir, se parler. Exactement. Faire le suivi de ses dossiers elle-même, si elle est réélue. Qu'est-ce que tu penses comme slogan, mettons, pour Cathy? Mettons, bonne. J'essaie. Est bonne dans toutes les catégories, tu sais. Les catégories. Toutes les catégories. Ouais, j'aime ça. OK? Moi, je t'ai refusé. C'est bon. Moi, je t'ai refusé. Donc, Jason Camp, on continue de parler des élections jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à la fin de la semaine. On va jusqu'à 23h45. On suit à la Chasse-Galerie le dévoilement des candidats, des gagnants. Exactement. Vendredi. Exactement. OK, merci. Puis on pousse les gens à aller voter. Là. Ça a été répété, on le redit, c'est seulement l'année passée, 1024 personnes qui ont voté. Sur 12 000, quelque chose. Exactement. Comme ça. Donc, ce qui est très, très peu à chaque fois qu'on en parle. Ça prend tellement pas de temps. Tellement. C'était même pas de déplacer. Vraiment pas. Donc, on fait ça. Portail étudiant, on se connecte, petite case, allez voter. Exactement. Jason Kahn, directeur général des élections, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Donc, toujours assemblage requis. Vas-y, Stéphanie. Oh, écoute, je sais pas si ça vaut la peine d'être dit, mais tu sais, hier... Je pense que tu vas te dire quand même. Oui, peut-être. Tu sais, hier, tu présentais un porte-banane. Oui. Dans le... La chronique, c'est ça de répondre là, oui. Merci, Mathieu. Ça a l'air qu'ils ont développé un nouveau... c'est un porte-ail. Un portail. Wow. Fait que la question que tu t'es posée, c'est est-ce que je devrais la faire, est-ce que je devrais pas la faire? Est-ce que je dois pas la faire parce qu'elle est pas bonne ou est-ce que je dois parce qu'elle est trop facile? Elle me donne un arrière-goût. Ouais. Portail. Prends une gomme, on prend une pause, on revient avec François Landry et le goût crassissant. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis en ce jeudi 27 mars 2014. C'est Stéphanie Paradis. Il est Mathieu Plante. Oui. Est-ce que tu penses que je leur ai fait honte avec mes jeux de mots aux élections tantôt? Oui. C'était pas... Ouais, c'était moyen. C'est ça, Mathieu. C'est ça, Mathieu Plante. Il y a juste moi qui te comprends. Ah, encore une chance que t'es là, Stéphanie Paradis. De tout m'aider à accueillir François Landry, bien sûr. Ben, certainement. Parce qu'il est là, comme toujours, les jeudis, tu le sais, c'est Logocratie 101. S'il vous plaît. Soleil. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Gangster. Soleil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel, pompeux, royal. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Comment allez-vous? Ça va bien. Super. Aujourd'hui, ton sujet, c'est informations et statistiques sur les élections générales. Oui. Ça va être rempli d'informations. On va vraiment tout savoir à la fin de ça. Presque tout. Sauf peut-être pour qui voter. Hein? Ben là, on ne donnera pas les réponses à l'avance. Là. Non, quand même pas. Là, on ne trichera pas. Là. Aucun mérite sinon. Non. Ouais. Écoute, les élections provinciales, c'est le lundi 7 avril. Donc, dans genre plusieurs dodos. Oui. Mais c'est quand même demain matin. Là. Deux semaines et quelques. C'est ça, c'est quand même assez rapide. Donc, ces élections réuniront un total global de 815 candidats. Donc, il y a 8 millions de Québécois au Québec. Il y en a 5 millions qui sont appelés aux urnes pour élire 800... Ben, c'est 1 million par candidat. Ouais, c'est ça, genre. Ouais. Il y a 125 places, donc 125 podiums. Ben, avec la première position, tu peux pas finir deuxième. Les deuxièmes, t'es loser. Donc, t'as 815 compétiteurs. C'est comme les jeux de Sochi, mais au Québec. Hein? Ouais. Donc, par contre, c'est une baisse de 9,7% par rapport aux élections de septembre 2012, qui avait attiré 894 candidats. On avait quasiment atteint le summum avec 900 candidatures. C'était quand même assez gros. Donc, parce qu'on se souvient de 2012, c'était une année assez faste côté revendications populaires et de matraque et de gaz. Donc, les gens voulaient vraiment s'impliquer pour débarquer le gouvernement Charest là. Ça marchait en partie. Mais là, il y a eu une baisse de la tension. Donc, on est revenu aux séries éliminatoires au hockey, à la voix, à TVA. À ces choses-là. Plein d'analogies. Plein. Selon les chiffres fournis par le directeur général des élections du Québec, et non pas le directeur... Pas Jason Cannon. Non, pas l'autre. Non, Jacques Drouin, donc son père spirituel. Une seule formation politique parmi les 18 officiellement enregistrés, le Parti libéral pour ne pas le nommer, comptera un candidat dans chaque circonscription. Il y en a 125. Le Parti québécois en présente 124 parce qu'il laisse le libre champ à Fatima Ouda-Pépin, qui est députée indépendante, dans la Pinière. Donc, ils ne présenteront pas de péquiste là pour que Fatima puisse faire mal à son ancien parti. Stratégie. Et Québec solidaire qui ne présente personne dans Nilga. Allez savoir pourquoi. Non. Peut-être parce qu'il est parti sur son vaisseau d'or. Wow! Oh, hein? Oui, quand même. Je l'ai pas cherché, je l'ai trouvé. Québec solidaire aussi aura 124 circonscriptions. Ce sont les trois seuls partis qui auront autant de candidatures. Jusqu'à samedi après-midi dernier, la Coalition Avenir Québec comptait présenter 125 candidatures. Mais Mario Gagné dans Soulanges, Sam Nassif dans Saint-Laurent et François-Carl Labonté dans Westmont-Saint-Louis ont été déclarés inéligibles. Oui. Par le bureau du DGEQ en raison d'irrégularités reliées aux signatures. Dans les signatures. Hein? Il n'est pas capable de lire les signatures. OK. Tu sais, quand tu fais un barbeau, Mathieu. C'est supposé être moulé, là. Ouais. Ben, écrit pour qu'on puisse au moins voir un M puis un P à quelque part. Mais moi, je comprends pas. Tu sais, si mettons, ça te prend 125 signatures. Faisant 150, là. Juste au cas. Au cas. C'est ça. S'il y en a deux qui sont contestés, c'est pas grave, il t'en reste 120. Ben oui, voilà. Mais non, ils sont pas allés là-dessus. Non, pas L'âge moyen des candidates et candidats est de 43 ans. Donc, l'âge moyen des 815 candidats, 43 ans. C'est dans la tranche d'âge de 18 à 29 ans. Donc, nous autres, vous autres. Mettons-moi aussi, OK? Je m'inclure là-dedans. C'est l'âge et mental, hein? Oui, c'est ça. Le cœur est jeune. Le cœur est jeune. Votez avec la tête, comme disait Pancarte. C'est qui ça? Québec solidaire. Québec solidaire. OK. Je vote avec ma tête et mon cœur. OK. Oui, c'est vrai, Yannick. C'est ça. Donc, c'est dans les 18-29 ans que l'on retrouve le plus de candidatures, soit 190, un nombre qui représente environ 23,3% des candidats. Le deuxième groupe d'âge le plus représenté est celui des 50 à 59 ans avec 186 signatures. Donc, on voit vraiment les deux extrêmes. Les deux écarts. Les boomers puis les petits jeunes flots énervés, naïfs qui veulent faire de la politique. Mais c'est beau. C'est fun de voir autant de jeunes s'impliquer en politique. D'ailleurs, Diego Brunel, le candidat caquiste dans Trois-Rivières, il a 23 ans. C'est vrai? Ouais. Wow. Puis il parle comme un vieux de 40 ans. Non, bon. Si vous l'avez entendu au débat ici même à Chasse-Galerie, c'est la remarque qu'on m'a faite le plus souvent. Sa façon de penser, pas sa façon de parler. Non, sa façon de parler est juste cute. C'est ça. Mais sa façon de penser, de raisonner. Donc, voilà. Consommez plus. Oui. Consommez plus. Ben oui. Pour faire rouler l'économie. Ouais. Puis votez libéral. Ben oui. Non, c'est ça qu'il a dit exactement. Il a dit. Mais hors contexte, c'est sûr. Si vous voulez que rien change, votez libéral. Oui. C'est ça qu'il a dit. Bravo. Donc, parmi. Il y a eu 241 candidates. Les femmes représentent à elles seules 29,6%. Donc, moins du tiers de toutes les candidatures sont des femmes. Un pourcentage légèrement supérieur à celui obtenu au 4 septembre 2012. Donc, ça grimpe. Et dans le temps aussi, si on remonte aux années jusqu'à les années 80, le nombre de femmes en politique, du moins ceux qui veulent faire la politique, augmente à chaque fois, ce qui est quand même bien. Parce qu'on sentait qu'ils représentent plus de 50% de la population au Québec. Ce serait le fun proportionnel. Qu'ils soient là aussi. Voilà, tout à fait. Les femmes représentent 23 % des candidatures à la Coalition Avenir Québec. C'est le plus faible taux. Il y a 28 % des candidatures au Parti libéral, 37 % au Parti québécois et Québec solidaire est le seul parti à compter 50-50. Wow. Eux autres, c'est dans leur règlement. Donc, il faut absolument que s'il y a un homme qui se porte candidat, on doit obligatoirement avoir une femme. Il faut en trouver une, même si on n'en a pas, il faut chercher. Il faut inciter. D'accord. Voilà. On cherche, on trouve bien souvent parce que c'est fait. Ils ont obtenu 75 candidatures femmes et 75 candidatures hommes. Les bulletins de vote de 16 circonscriptions auront plus... Le bulletin de vote de 16 circonscriptions auront plus de noms de femmes que de noms d'hommes. Mm-hmm. Mais dans 15 circonscriptions, il n'y aura aucune femme. Mm. Donc, Trois-Rivières. Aucune candidature. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Sur les 6 partis qui se présentent à Trois-Rivières, juste des hommes. Mm. Le Parti libéral est la formation alignant le plus d'avocats dans ses rangs. On s'en doute pourquoi. Ils en ont besoin cet an-ci avec la commission Charbonneau. Hein. Il y en a à peu près 20. Contre 7 au PQ et 6 à la CAQ. Mais celle-ci peut se targuer de présenter aux électeurs le plus grand nombre d'entrepreneurs, avec 25. Le Parti québécois peut par contre se vanter de compter plus de 30 détenteurs de maîtrise chez ses candidats. Donc on voit que le Parti québécois, c'est les intellectuels, la CAQ des entrepreneurs, puis les libéraux, le droit, les notaires, les professions libérales. Hein? Bon, ça le dit. Preuve que tous les chemins mènent à la politique, voici les métiers les plus inusités parmi les candidats. Ah, c'est fun, ça. Oui. Parti libéral du Québec, il y a 3 médecins. OK. Donc, Philippe Couillard. Oui. Barrette. Et Yves Bolduc. Gaétan Barrette, le candidat caquiste qui est devenu libéral parce que il veut devenir absolument boss. Et Yves Bolduc, donc le trio. Les trois stooges, sur le. Il y a 2 pharmaciens, 3 policiers, 1 gardien de prison et 1 producteur laitier. Oh. Et une souris verte. Oh. Oui. Ouais. Le producteur laitier est tout ça un éleveur de pur sang. Donc, c'est un homme multitâche. Eh bien. Hein? Il est capable de faire 2 choses en même temps. Coalition Avenir Québec, il y a 12 enseignants, 5 étudiants et, mon préféré, un chocolatier. Hein? Wow. Et s'il se fait aller, c'est sûr que j'ai envoyé un courriel pour lui dire je veux du chocolat. J'ai une boîte. Parti québécois, il y a 1 milliardaire. Hein? On se demande qui? C'est pas plus une? Oh, il va-tu pour Léo Bureau-Bloin? Ouais. Non, mais tu es. Il y a 1 commis dans une poissonnerie. Les poissons morts, ils connaissent ça. Et un moniteur de terrain de jeu. Oh. Il est quand même, je ne l'écœurerais pas, il est quand même sergent dans les cadets. Ah, oh, c'est cool. Ouais. Ses bottes doivent être bien serrées, donc ses souliers, ils vont passer. Donc, malgré le nombre élevé de candidatures aux élections du 7 avril, on est tout de même loin du sommet atteint en 2012 avec 894, comme je le disais. Cette baisse est due aux tiers partis. Les tiers partis qui étaient très populaires en 2012, cette année, se laissent plus à désirer. Participent pas, mettons. Voilà. Peut-être, on les voit pas, est-ce qu'ils existent encore? Oui, je vais t'énumérer justement. Parfait. Les candidatures en 2012 comparées à 2014. Les indépendants, ceux qui se présentaient pour le plaisir d'eux. Donc, ils sont passés de 46 à 11. Oh, ça, c'était André Arthur, je pense, dans le temps. Entre autres, oui. Puis, je sais qu'il y avait ici un collègue, François-Olivier Marchand, qui voulait se présenter indépendant. Oui, c'est ça. Qui m'avait glissé à l'oreille. J'ai pas vu pancarte, en tout cas. J'ai pas vu pancarte, mais s'il nous écoute, peut-être qu'il est encore en train de faire campagne. Là, je sais pas. Il est en campagne, si on le sait. Il est en campagne, oui. Le Parti vert, donc, qui se targue d'être dans les sondages, il est toujours là. On a passé de 66 à 44 députés. Candidats, pardon. Parti vert là-bas, comme on dit. Parti vert, oui. Union citoyenne du Québec, de 20 à 1. Oh! Je sais pas c'est qui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux l'encourager, je peux dire, hey, lâche-moi mon homme ou ma femme, je sais même pas c'est qui. Et l'équipe autonomiste, l'ADQ 3.0, hein, parce que 2.0 c'est la CAQ, mais 3.0 qui était encore plus à droite que l'ADQ, passe de 17 à 5. Puis entre autres, à Trois-Rivières, il y en avait, mais là, pas cette année. Ça a l'air. Alors qu'on parle de plus en plus du vieillissement de la population, l'âge moyen des candidats a diminué pour la première fois depuis 1998. Les candidats à l'élection du 7 avril ont en moyenne 42,9. Bon, 43 ans. Contre un peu plus de 44 ans en 2012. Phénomène encourageant, et même si je me répète, c'est dans la tranche d'âge des 18-29 ans qu'on retrouve le plus de jeunes candidats. Donc l'âge moyen des je recommence, je m'achète une voyelle. La principale partie. La CAQ, la moyenne d'âge, 44 ans. Québec solidaire, 44 ans. Parti québécois, 49 ans. Et Parti libéral du Québec, 50 ans. C'est quasiment tout dans le même coin, ça. Tout dans le même package. Hein? Les partis politiques, donc, il y en a 19. Je vais vous les énumérer, vous me direz si vous les connaissez. Le Bloc POT. Ouais, c'est un incontournable. Hein? La Coalition Avenir Québec, l'équipe François Legault. C'est son vrai nom. C'est indépendant, c'est non, ça? Non, c'est le même équipe. Okay, c'est même l'équipe François Legault, OK. On connaît ça, bon. Il y a l'équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec. Ah. C'est les pancartes en rond là, qui dit que ça, le Québec ouais. On oui, tourne en rond. Oui, c'est là. Lui, ça. Ouais. Et lui, il a pas appris à mettre ses caractères un peu plus gros. Non, on voit absolument rien. Ouais. On ne sait même pas si c'est le candidat ou le chef qui présente oui. sa pancarte. Il y a l'équipe autonomiste, Mon pays, le Québec. Ah! Oh. Nouveau Parti démocratique du Québec, donc c'est le NPD version québécois, mais ils présentent ah. aucun candidat. Ils se sont ah. juste inscrits pour réserver le nom de domaine. Ça s'en vient plus tard. Ça s'en vient pour les prochaines élections. En construction avec un petit chantier voilà. sur la page web. Là, genre, voilà, ouais. voilà, voilà. Tout à fait. Il y a l'Option nationale pour l'indépendance du Québec. Oui, ça on voit ça. Oui, tout ouais. on les voit. Il y a le Parti des 100 partis. OK. Il y a le Parti équitable, donc de vendre du café, du thé, je sais pas. Ouais. C'est comme équitaire, mais à niveau plus juste une table. Genre. Oh! Wow. Le Parti indépendantiste, leur initial, c'est le PI. Le PI. Ah, wow. Oh, oh. Okay. Il y a le Parti libéral du Québec, le Québec Liberal Party. Party. Ah, bilingue, bon. Officiellement bilingue. Il y a le Parti marxiste-léniniste du Québec. Oui, on entend tout à ça, mais on sait pas ouais, ce que c'est. C'est ça. Mmh. Il y a toujours 3-4 doutes qui se font porter candidat. Le Parti nul. Le Parti québécois. Le Parti Unité nationale, le Parti vert du Québec, Green Party of Québec, ouais. avec un accent aigu sur le Québec, donc Green Party of Québec. Of Québec, ouais, ouais. Il y a le Québec Révolution démocratique. Le Kurd. Ouais, les Kurdes. C'est les Kurdes. Oui. Mais c'est comme super subtil, c'est comme super terroriste. Mais... ouais. Okay. J'en reviens, il faut que j'aille faire une Kurde. Le Kurde des syntaxes, peut-être. Ouais, Kurde. Il y a Québec solidaire, qu'on connaît, et Union citoyenne du Québec, le Québec Citizen Union. Mm-hmm. Mm. Les autres, je pense, c'est un parti des anglophones de l'ouest de Montréal qui veulent recréer quelque chose. Le vote étudiant, hein, c'est une nouveauté cette année. La révision de la liste électorale et le vote dans les établissements d'enseignement se tiendront dans les centres de formation professionnelle et les établissements d'enseignement postsecondaire, cégep et université. C'est partout, pas juste ici. On a vu partout, partout au Québec. Donc, cégep, collège, université, partout. Selon les estimations faites par le DGE, pas Jason, l'autre, il y a environ 400 000 étudiantes et étudiants qui pourront voter sur leur lieu d'études. Mais ça, c'est une bonne chose. Oui, ben c'est enfin, vraiment une bonne chose. Comment ça te tend? Comment ça te tend? Parce qu'on sait, c'est à environ 30-35% des jeunes de 18-24 ans qui vont voter. Mm. Parce que t'étudies à Trois-Rivières, tu dis « Je ferais pas 3 heures de route pour me rendre à Montréal, aller voter, attendre 2 heures en file pour revenir à Trois-Rivières le soir même. Ouais. » Non, tu vas dire « Non, man. » Puis non. Tandis que là, c'est tu t'en vas au 40-20 ringuets, t'as 4 jours pour aller exercer ton droit de vote. Tu vas là. Partout. Même si t'es inscrit oui. à la liste... T'es mettons, à Repentigny, ouais. tu veux voter à Trois-Rivières, tu votes à Trois-Rivières pour Repentigny. Ouais. T'aimes pas les candidats dans Trois-Rivières, c'est pas grave. Tu votes dans Repentigny. Ouais. C'est facile. Et ça, c'est vendredi, mardi, ouais. mercredi, jeudi. C'est le 28 mars, donc ce vendredi. Le 1er avril, ce n'est pas un poisson, vous avez le droit de vote. Le 2 et le 3 avril, vous avez jusqu'à 14 heures pour aller au 40-20 Ringuet. Quatrième étage du Ringuet, donc une grande salle en amphithéâtre. Mm. C'est là que vous allez. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes étudiant. Oh, c'est peut-être là une petite lacune. Peut-être. Hein? Peut-être. Pas besoin de carte étudiante, mais tu as besoin d'un permis de conduire, d'une carte d'assurance maladie, une carte avec ta face dessus, avec ton adresse d'origine. Donc, c'est le meilleur moyen pour exercer ton droit de vote. Tu as le droit de t'abstenir, c'est ton droit le plus légitime, mais tu as aussi le droit de voter et le droit de voter t'apporte beaucoup de pouvoir. Parce que là, ce sont des candidats qui veulent avoir une job. Tu peux, pendant 5 minutes de temps, te dire « Je suis ton boss. Ouais. » Moi, je t'aime pas, j'aime pas ta face, je te mets à la porte. Mm. Toi, par contre, je t'aime, je vote pour toi. Utilisez ce pouvoir pour le bien, s'il vous plaît. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait le tour pour les statistiques. Je sais que c'est un bourrage de crâne, mais c'est toujours intéressant c'est de voir le revers de Philippe Couillard, en fait. Ouais. Son dos, c'est ça, voilà. C'est donc tout pour tout, en fait. C'est tout pour tout pour l'instant. C'est ça, oui. Ben oui. On va se retrouver la semaine prochaine, évidemment. Ouais. C'est tous les jeudis à 8h30. À peu près, oui. À peu près environ. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus grand-chose de spécial. Là, on a passé 8 heures en spectacle, on a passé tout les élections de la GE. Tout est fait. Donc, on te retrouve donc jeudi prochain pour notre collègue Logo Grasson. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir, monsieur. Dans quelques instants, nous, on va faire la bouffe de la semaine. Ah oui. Ça s'en vient pour la dernière demi-heure. Mm-hmm. Vous mangez. On a aussi la malbouffe de la semaine de mon côté. Parfait. J'ai bien hâte de voir ça. Mais pour l'instant, une petite chanson. On s'en va entendre. Gramercy Riffs, voici Desire Trails. Tout de suite. À la semaine. Retour la bouffe de la semaine à Assemblage Rock qui reste là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées. C'est Assemblage requis. Elle est Stéphanie Paradis. Il est Mathieu Plante. Oui, il nous reste seulement une dernière demi-heure. On fait un petit 25 minutes environ à l'émission et c'est notre demi-heure préférée de la semaine. Oui. Stéphanie, tu sais, à chaque semaine, on goûte quelque chose. Et on a du plaisir à le faire. Mm-hmm. La bouffe et la malbouffe de la semaine s'en viennent dans quelques instants. J'ai vu que tu t'es vraiment donné cette semaine. Ben oui, j'ai essayé quelque chose. J'espère que ça va marcher. OK, donc c'est un test. C'est un concept. Parfait, j'ai bien hâte de voir ça. Mais avant ça, on écoute notre ami Marc-Antoine Larche. Voici les courants d'air. Sur C'est fou. Belle journée pour ça. Ouais. À fou. De chute, et c'est moi qui vois tomber. Dur à la lune, j'ai les yeux ouverts, je ne dors pas, la nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise, mais qu'est-ce que je fais ici? semaine. Une présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 1006, Néré-Beauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui m'ont... La même affaire que moi, Mathieu. C'est la Mouvement de la semaine de Stéphanie Paradis. Et bien sûr, là, pour faire ça... Oui, Mathieu. C'est sa chronique, c'est ta chronique qu'on va se le dire. C'est oui. C'est toi, c'est moi, c'est nous autres. C'est mon moment préféré de la journée. Tous les jeudis au fin d'émission. Donc, la Mouvement de la semaine, qu'est-ce que tu nous suggères de manger cette semaine, Stéphanie? Ben, Mathieu, je t'en ai parlé un petit peu hier. Oui, tu nous as laissé des indices au bureau. En fait, c'était pas des indices, je voulais savoir si c'était correct. Okay. Parce que je me re-questionnais sur mon concept, savoir si ça fitait dans mon concept. Okay. Tu fais des tests, là, Stéphane? Oui, je fais des tests. Et puis, c'est quelque chose qui sera pas facile, Mathieu. OK. C'est pas des langues de porc dans le vinaigre. J'espère. Je sais pas si j'aurais réussi à manger ça. J'avoue que j'aurais pu essayer de oser. Mais t'as ça. Déjà mangé ça, parce que la non. règle, c'est que t'es pas supposé l'avoir déjà mangé. Non, j'ai jamais mangé ça. Okay. Et puis, je vais faire... Écoute, j'ai pensé à JP un peu quand j'ai fait ça. JP Charbonneau qui anime lundi, mardi, évidemment. Oui, exactement. Puis là, c'est ça. Je me suis dit, ah, ben, tu sais, on va faire un clin d'œil à JP aujourd'hui. OK. Et à son émission qu'il animait avec. Tu sais, il faut toujours revenir à ça. Tout le temps JP avec toi. Hein, ça oui, tout le temps. Puis ouais. Revenir à son émission qui fait plus. Mais l'on vient chez Bruxelles depuis 3 ans, c'est mort. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi les gens continuent à parler de ça. En tout cas, ben, c'est un succès. C'est un classique, comme on l'appelle, ça. Oui. Un succès culte. Oui, okay. peut-être. En culte. Écoute, ce que je te propose, en fait, et puis là, je vais le sortir de mon sac. Okay. C'est rien de très impressionnant, mais c'est un pot de confiture, Mathieu. Ah, oh, mais j'aime ça, c'est cool. Et puis, c'est un pot de confiture que j'ai reçu en cadeau de la part de l'ancien co-animateur de JP. De JP Charbonneau, Alexandre Laramis-Wiki. Exactement. D'accord. Et puis, ça, je l'ai pas reçu. Ça date pas de v'là 2 ans, cette affaire? Non. Okay. Je te refile le vieux contenu de l'émission. Bah oui, c'est ça, pour de vrai, la petite couche de verre, là, c'est juste du meilleur. Mais en fait, c'est ça, je pense que c'était pas pour moi, Stéphanie, qui donnait ça. C'était pour JP, hein? C'était pour JP, okay. Puis je pense peut-être même sa blonde, je pense. Myriam Lortie, l'animatrice des Précieuses Rétions. Non, la blonde de JP. La blonde de Stéphanie, attends, je suis tout mêlé. Ah, la blonde de JP, ça c'est Carina Tardy, des ouais, Audacieuses de Mercredi. C'est mêlant. Oui, je comprends plus rien. Donc, écoute, c'est un pot de confiture faite maison. OK. Et puis, non seulement c'est faite maison, mais l'étiquette également. Ah, c'est super mignon, maison. C'est tout enfantin, j'aime ça. Oui, donc c'est ça, c'est Alexandre Laramis-Wiki qui l'a donné à JP. Vous le connaissez, Alexandre Laramis-Wiki, pour ceux qui ne suivent pas l'émission régulièrement, c'était, bon, comme tu l'as dit, l'ancien animateur de Melon Miel sur Bruxelles. Il joue dans La Luître. Exactement. En ce moment, c'est un grand improvisateur. Souvent dans des pièces de théâtre. Exactement, on le voit à Trois-Rivières partout. Des fois, collaborateur avec les Audacieuses. Oui. Tu sais, qui fait des fois des petits passages. Il est partout. Donc, c'est caricaturiste, disons, le campus, fallait pas oublier ça. Rédactrice en chef, puis j'oublie ça. Tu sais, franchement, c'est pas ta job. Là. C'est gênant. C'est gênant. On va dire ça à Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Donc voilà, on peut voir ici, parce que Mathieu, je te le présente exactement comme si on était à la TV. À Price is Right. Oui. Donc c'est les petits plats Larzou. Larzou comme Laramis-Wiki. Oui, exactement. Et comme sa signature, des caricatures. Mais c'est, donc, pas, c'est pas en lien avec sa copine Myriam Lortie, comme ça aurait pu être Larzou, mettons. Non, pas c'est Larzou. C'est Larzou. Aucune association. Donc, donc voilà, et puis c'est rempli de petits gags, en fait, dans cette étiquette qui est faite maison. Donc c'est très drôle. Donc je vais te le lire comme ça. Donc c'est confiture maison santé, avec amour confectionné, à conserver, étendre et partager, comme on le fait... avec comme on le fait tout naturellement pour l'amitié. Ah, oh, wow. C'est cute, hein? C'est cute. Et puis, écoute, dans ce qui est les ingrédients, dans le fond, c'est des bleuets, des fraises mûres, du miel, du citron. Il y a des graines de lin. Et puis, ça peut contenir aussi des traces de sourire. Non! Oh! Parce que Alexandre, il y a un petit problème quand il sourit, il bave. Et ça tombe dans le chaudron. Oui, c'est ça. Fais le chaise, un petit gag. Et puis, c'est ça, on a aussi la quantité. qui se situe, puis c'est, et là je cite, quelque part entre 0 et 500 millilitres. Donc on s'en fout millilitres. Donc c'est ça, c'est vraiment pas important. Et puis pour te faire goûter cette magnifique mixture, oui, je suis allé chercher un bagel. Oh, le bagel. Oui. Wow. Sésame, parce que je suis... T'es fancy. Ok, oui, c'est ça. Oui. C'est ça qui sent bon dans le studio, Mathieu. Vraiment? C'est un bagel. L'odeur est là, ça vient tout droit de la chasse-galerie. Oui. Les bagels classiques de la chasse, c'est toujours délicieux. Pour aller avec cette confiture. Donc, écoute, si tu veux, je serais prêt à ouvrir... Ben, j'aimerais ça, je vais même te... Attends un peu. Je vais te... Oui! Pas grave de se rendre au micro! C'est beau! Okay, le micro magique est toujours très important. On sait, Stéphanie adore le micro magique. Elle en parle et elle en rêve tout le temps. Donc, je vais vraiment mettre ça ici. Micro magique. Je baisse la trame et on ouvre le pot de confiture. Et c'est parti. Oh. Il n'a pas fait de snap. Flou, flou, flou. OK. OK, on ouvre. Oh! Est-ce qu'on a entendu? Je ne sais pas si on a entendu, en fait. Je me demande si... Ah, attends un peu. On est tellement mêlés dans le studio en ce moment. Et les micros changent tout le temps de place. On a tout manqué. Attends un peu. Je vais essayer de recommencer. Ah, oui. Ah. Voilà. Et voilà. Donc, c'est pas le bon micro magique. Vous voyez, là ça fonctionne. Quand ça fait ça, c'est que ça fonctionne. Allô? OK. Hello. Ça gagne beaucoup trop de fun pour nous. Oui. Non, juste pour nous autres. Donc, voilà. Donc, le pot est ouvert. Oui, c'est fait. Donc, écoute Mathieu, là, je vais te demander un peu de... Comment je pourrais bien dire ça? Il va falloir que tu participes. OK, je vais devoir participer. Oui. Comment est-ce que je vais participer? Parce que j'ai prévu dans mon sac... Dans ton sac magique. Oui. Deux cuillères. Hey! Donc, je vais te donner une napkin avec une cuillère et un morceau de bagel. Comment se fait la transaction sans faire de dégâts? C'est ça que je me demande. OK, attends. Je vais te donner le sac. OK, merci. Comme ça, il n'y a rien qui peut se passer. Parfait. Après ça, je vais te faire comme au restaurant. Okay. Je vais emballer ta cuillère dans la napkin. J'aime ça. Donc, voilà Mathieu. Merci. Et moi, je vais dérouler. Ah, waouh, il a fait un arfan à l'image avec. Je te fais un signe, Mathieu. T'as pas reconnu mon signe. Je reconnais pas mes animaux, malheureusement. Donc, voilà, puis je vais te passer le pot. Et Colin, OK, tu vas me passer le pot par là-bas. Par le côté. Bien par là-bas. Okay. Donc là, je te laisse jaser pendant que je te passe le pot. OK, ben, faut que j'entretienne le public aussi. D'accord. Oh, oui. Merci. Hey, salut. Merci beaucoup. Waouh, OK. Donc, moi, je vais pouvoir sentir un peu aussi, hein. Oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ça sent que les petits fruits. C'est adorable. C'est adorable. Ah, c'est fruité. Oui. Tu sais que les fruits sont pas au fond, ils sont partout. Contrairement... C'est une confiture de fruits, Mathieu. Ben, c'est ça, ben, tu sais, faut dire. C'est bien essayé. Comment tu veux que je dise ça autrement que ça sent les bleuets? Surtout, je trouve que ça sent surtout les bleuets. Ça sent le sourire. Ça sent le sourire. Ça sent Zwicky. C'est très plaisant. Ça sent l'odeur de Zwicky en dessous de son plante. Non, c'est pas vrai. Il n'y a plus de plante, ça fait comme 3 mois. Attends. Ah. Les bleuets. Je sens surtout les bleuets. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois... Écoute, là, j'ai pris un bagel vraiment pour la forme, parce que d'habitude, c'est bon de manger la confiture avec quelque chose. Ouais. En même temps, je t'ai donné une cuillère. Oui. On peut aussi y aller d'une bouchée, tout simplement, une bouchée de confiture. En remettant la cuillère de l'autre dans le pot après avoir mangé une dent. Ouais, c'est sûr. Les yeux. Ah, tellement. C'est très important. On se croise les bras. Puis... Donc, okay. Écoute, là-dessus, je dois t'avouer que je vais te laisser décider de ce que tu veux faire. OK. Je vais commencer par me sortir un morceau. Merci d'avoir choisi la chose probablement qui va faire le plus de dégâts de l'histoire de la chronique, alors qu'on quand a même, eu aucun dégât. Mais on a un coin sur le côté de la table qui est environ un demi-mètre de la console. Mais je t'ai prévu une petite napkin, Mathieu, au cas où. Je vais prendre un demi-bagel pour commencer. Je vais me tartiner ça et après ça, je vais te renvoyer le reste du sac. Oui. Et tu vas pouvoir faire la même chose pendant que je vais goûter, d'accord? C'est vrai que je suis pas allé dans le... Je suis allé dans le concept. On vient de faire le ménage. Woman, excuse-moi. Je vais y aller avec une cuillère de. Elle est quand même de consistance assez liquide. Elle est quand même très liquide, oui. Comparé à la confiture qu'on a l'habitude de voir d'habitude, je pourrais quasiment tremper mon bagel dans le pot, mais là, je pourrais vraiment pas. Je vais y aller très, très tranquillement. Je te dirais de ne pas en mettre trop aussi. Ne pas en mettre mais trop. Si c'est liquide, est-ce que c'est parce qu'elle est forte? Ah, mais j'ai de l'alcool dedans. Est-ce que tu vas me saouler? Tu vas me gueuler? OK. Tu verras, Mathieu. Donc, je te retransfère le pot. Oui. Okay. Je te le mets ici. Tu peux venir le chercher quand tu veux avec le sac. Pendant que je goûte avec notre célèbre public de requins cette bouchée de bagel à la radio. Attention. J'espère qu'il est bien croustillant. Mmh. Oui, j'approuve. T'approuves? Beau travail. Merci. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai rien fait. Mm-hmm. Pour de vrai, c'est le fun. Je présente des affaires que j'ai pas faites. T'avais laissé ta cuillère. OK. Je sais pas, j'avais pas vu. On peut peut-être. Je vais tartiner. D'accord, tartine. C'est très fruité, beaucoup moins sucré. En tout cas, j'imagine qu'il n'y a pas tant de sucre rajouté comparé à d'autres confitures qui sont trop sucrées, comme ça goûte le sucre. Le fake, c'est ça, un peu comme les confitures genre Kraft que tu retrouves à la cafétéria quand tu vas déjeuner. Ouais. C'est pas ça, là. Donc, moi, je vais aussi pour la bouchée de bagel. D'accord. Donc, j'y vais. On t'écoute. J'ai oublié de baisser la trame. Hein? Délicieux, n'est-ce pas? Un excellent déjeuner à partager entre amis. La deuxième bouchée est aussi très bonne. Oui, donc ça passe le test. Ça passe le test. Ah! Un bagel, c'est dur à marcher en plus. Oui! Écoute, c'est ça, je suis vraiment allé pour le concept et non la faisabilité du studio. On répète les ingrédients pour ceux qui voudraient peut-être reproduire la recette à la maison. Oui, donc écoute, rien de bien bien compliqué. Ça prend des bleuets, des fraises mûres, préférablement. Un peu de miel, du citron. Je pense que c'est le petit côté qui vient me chercher les joues. Oui, on aime ça, ce petit pincement-là des joues. Oui, un peu comme un bonbon sûr là, qui vient te chercher. Donc le citron fait ça. Un peu comme l'humour d'Alexandre Ramiswicki. Il vient tout le temps te pincer la bouche quand tu souris trop, tu ris en l'écoutant à l'impro, mettons. Oui, c'est ça. Puis des fois, ces jokes ne lèvent pas, c'est un vrai citron. On y dira pas ça. Non, mais, de toute façon, je pouvais. C'est ça. Exact. Graines de lin. Il y a des graines de lin, Mathieu. C'est santé, ça. Oui, c'est très santé. Et puis, ça peut contenir des traces de sourire. Oui, et ça, c'est important. Si vous faites la recette à la maison, n'oubliez pas les traces de sourire. C'est l'ingrédient spécial et secret. Oui, puis là, écoute, je vois ici... Un mot d'amour. Il y a un mot d'amour. Qui est destiné à la copine de Jean-Philippe ou à Jean-Philippe, finalement? Ben, écoute, on va voir. Ah, OK, parfait. Mais il y a affaire de le dire en nom. Oui, quand même. Je te le lis en direct. Donc, le pot est agrémenté d'un petit papier, comme un cadeau. Oui. Tu sais, une petite carte là, qui vient avec le sac. Je suis sûr que c'est plein d'émotions. Oui, donc ça va comme suit. As-tu déjà remarqué à quel point t'as l'air mongol quand tu déplies ma petite carte? L'air ému. Hé hé. Ben voilà. Wow. Signé Alex. Merci, Alex. C'est impressionnant. Oui. Talent de poète, c'est Alexandre Ramiswicki. Donc, on le remercie. Je t'ai placé ma boîte pour que tu la vois, mais je ne voulais pas que tu la vois à l'avance. J'ai remarqué les lettres, mais je n'ai pas remarqué le mot. OK, parfait. On regarde ça pour dans quelques instants. Ce sera la malbouffe de la semaine. Je te remercie, Jean-Philippe. Bonne idée, le test. Parfait, j'aime ça. Merci. Puis je vais en prendre une autre cuillerée dans quelques instants. Pas de problème. Avant de passer à la malbouffe de la semaine, voici Rebecca Higgs et Loneliness sur C'est fou. Pendant que je me trempe le bagel dans la confiture. Oui. Liquide, mais très délicieuse. Yeah. la semaine. Non, non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui m'ont... De l'érable? Oh! Ouh! Oh yeah! Encore bis biscuit! Aha! Oh ho! Indice! On a goûté deux affaires dans la chronique. Une fois c'est une, puis deux fois c'est bis. Une fois c'est deux, tu dis exactement bis, ça, c'est ça, ça, bis. C'est ça, c'est ça. Bis, Stéphanie, paradis, bis, parabis. Parabis. Donc c'est la malbouffe de la semaine, le pendant, un petit peu plus, comment dire, mauvais mangeur de la bouffe de la semaine qu'a fait Stéphanie tantôt. Oui. Moi de mon côté, je suis pas très original parce que les produits de l'érable sont très à la mode en ce moment, mais je vous ai apporté des biscuits tarte au sucre. Dans le même genre que l'érable, mais tu sais, au sucre, c'est encore meilleur, je trouve. Waouh! Dans la vie. Donc, okay. Ce sont des biscuits tout beurre, truffés d'une garniture sucre à la crème tendre par Biscuits Leclerc. C'est tout nouveau, c'est dans la collection Momento. Oh! Ils en ont plusieurs, ils en ont double chocolat, ils en sugar ont. Pie. Ils en ont de plein de sortes. Donc, celui-là, tarte au sucre, on va lire un petit peu les mentions qu'il y a dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, autre que le fait que ça peut contenir des arachides et des noix. Les ingrédients, entre autres, pour commencer, de la farine de blé enrichie. Le blé est en gras, donc c'est important pour eux. Beurre qui contient du lait, évidemment, donc bravo pour mon estomac plus tard. Garniture sucre à la crème. Et il y a plein d'autres choses. Il y a des œufs là-dedans. Plein de choses. Entreprise familiale, Leclerc, évidemment, ben qui oui. fabrique toutes les barres tendres, les biscuits que vous voyez. Depuis 1905 que ça existe, cette compagnie-là. Parfait. Je ne savais pas. Ils sont situés à Saint-Augustin-de-Desmaures. OK. Je ne savais pas non plus. Mathieu, décroche, là. Faut que tu démordes de ça. Démordes. Ou tu commences à y goûter, démordes, moi aussi. Démordes. Donc, un momento de Leclerc, tarte au sucre. Je vais te les donner parce okay. que c'est toi qui as le micro magique de ton côté. Oui, merci. On va s'assurer d'ouvrir le bon micro magique, bien sûr. Oui. Donc, on va pouvoir baisser la trame et ouvrir cet emballage de Momento. Donc, telle une vraie boîte de biscuits, j'ouvre d'abord la boîte. Bien sûr. C'est bien emballé. Oui, trop collant, hein? Tout le temps. L'emballage d'aluminium dedans, c'est ça? Oui. Donc, c'est fait. J'ouvre l'emballage d'aluminium. OK. La première puff est bonne. La première puff est bonne. C'est ce qu'on veut savoir pour commencer. Avant de consommer un produit, c'est est-ce que la puff oui. est bonne? Donc, on a ouvert l'emballage. Est-ce que tu en vois beaucoup? Est-ce qu'il y en a une multitude? Ou deux, quatre, six. Ben écoute, première rangée, six biscuits. OK. Et là, on y va tranquillement. Oh, trois colonnes. Trois rangées. Trois rangées de six biscuits chacun. Magnifique. Et on pense à Bouddha Fast Twee. Oui. Donc, écoute, je passe. Trois rivières. Donc, je prends un biscuit Momento. Voilà. Voilà. Et je me l'insère dans l'orifice buccal. Attention. Ouais, évidemment, on baisse la trame encore. Tu y vas en même temps? Toi, tu vas dans le micro magique, hein, vas-y. Oui. OK, parfait. Donc, je suis prêt. On y va. Sont tendres, on n'entend rien. C'est mou. Je dirais qu'à première impression, oui, première mordée. Je m'attendais pas à quelque chose de mou. Je m'attendais à quelque chose de peut-être dur. On avait dit tendre tantôt, mais je pensais que c'était l'intérieur. C'est ça. Puis là, je me suis pas rendu à la tarte au sucre. Pourquoi t'as réussi à mordre dans un morceau où il n'y avait pas encore de tarte au sucre? C'est trop. Ben, pas beaucoup. C'est décevant. Hein? Je recommence. OK. On le goûte pas tant que ça, hein? Non, c'est très léger. C'est trop léger. Je suis surpris. Déçu. Je pense que même le mot, c'est surpris. Avec un biscuit, une collection qui s'appelle Momento. On rappelle, c'est les biscuits Momento de Leclerc. On s'attend à un moment de délice où tu fais comme... Oh, enfin! Et là, on n'a pas ça du tout, c'est juste un biscuit. Oui. Pour de vrai, ça ressemble à un biscuit... cheap. Un peu plus de sucre que la normale. Oui. Mais pas assez pour dire que c'est une tarte au sucre. Non. Moi, je trouve ça basic. Je trouve que ça ressemble à un biscuit, tout ce qu'il y a de plus normal. J'aurais peut-être ajouté le double de crémage à l'intérieur. Le triple, je te dis. Ah, peut-être même. Peut-être même. Peut-être un petit peu plus. Je sais pas comment ils l'ont fait, cette crème-là. En effet, s'il y en avait plus, ce serait bien. Mais je sais pas si on goûterait plus le sucre. On dirait qu'il manque un petit quelque chose pour que ça goûte vraiment la tarte au sucre et non pas juste le sucre comme dans tous les biscuits. Peut-être qu'ils ont essayé de pas être trop calorique. Non, mais en même temps, c'est Momento. Momento, t'es supposé tarte vivre un moment. C'est ça, là. Tarte au sucre. Moi, non. J'ai pas vécu de moment, même si avec toi, c'était bien plaisant, mais c'était pas un moment. Je vais réessayer quand on va avoir fini la chronique, Mathieu, avec le café. Un café. Ah oui. Peut-être que pour pousser un café. Pousser la note un peu. Ouais. Tremper ce biscuit tarte au sucre dans le café. Peut-être. Mais bon, donc c'est décevant. J'aimerais ça essayer les autres biscuits de la sélection Momento. On rappelle qu'il y avait double chocolat. Il y en a plusieurs autres. Là. Donc, chercher ça, c'est très, très en vedette en ce moment à l'épicerie. C'est pas très difficile de les voir. Momento par Leclerc. Biscuit à tarte au sucre. Voilà. On aurait pu, tant qu'à faire, si on avait vraiment eu envie, on aurait pu goûter aussi à ce que Véronique Mire nous a laissé. Ben oui! Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Est-ce que tu l'as, le tien? Oui, attends. Ça va se manger assez rapidement. Véronique Mire, ce qui nous a laissé des œufs aux Smarties tantôt, parce qu'elle est tellement gentille, cette fille-là. Oui, donc c'est un egg-œuf. Oui. Qui est finalement une traduction. C'est une friandise. Oh, une friandise. Oui. Et on l'a brassé tantôt. Brasse-le dans le micro magique, juste pour voir. On voit qu'il y a des Smarties. À l'intérieur. À l'intérieur, même. Donc, on ouvre. Vas-y. Donc, j'y vais. Excellent. Donc, facile à ouvrir. Quand même. On apprécie la facilité. Attention. Double emballage. Non. Calomnie. Arrête donc. Gaspillage. Il est emballé en aluminium. Oui. Dans l'emballage d'aluminium. Mais autour de l'œuf, au lieu d'être lousse. Oui, un peu comme les œufs Canberra. Exactement. Donc, est-ce que ça vaut la peine de déballer ça une deuxième fois? Okay. Mais on n'a pas le choix. Micro magique. Bon, ça c'est toujours le problème. Hein? Ça déchire tout le temps. Ça déchire tout le temps. Pas capable de le déballer d'un coup. Voilà, c'est fait. D'accord. Bon, donc, on se rappelle qu'à l'intérieur, il y a des Smarties, donc il va falloir faire attention en mordant dedans, sinon ça va tout tomber partout. Moi, je pense que je vais le défaire en deux. OK. Oui, il y a tout le temps une fente à l'horizontale sur l'œuf. Et voilà. Donc, quand même. Il se défait bien. Ah! Non, OK, j'ai tout gâché. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait la même chose. Donc, écoute, Mathieu, je n'attends pas que tu baisses la trame. Je mets ça tout dans ma bouche immédiatement. Smarties inclus. Mathieu a un fou rire. Je me suis renversé sur mes pantalons. Mais c'est pas du bon chocolat du tout, ça. C'est même pas bon. Les Smarties sont bons. Ben, c'est des Smarties. Là, je suis mal pris, Mathieu. J'ai la bouche pleine. J'en ai mis partout. Sur moi, évidemment. Oh. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Non. Non. Merci, Véronique Mire. C'est un cadeau empoisonné. Et là, on pourra pas animer pour 5 minutes. Non. Écoute, j'ai réussi à me débarrasser de ma bouchée. Parce que par mesure de précaution, j'ai été obligé de tout mettre dans ma bouche. Et puis là, ça arrive pas comme ça tout le temps. Là. Soyez. Commencez pas à dire des calomnies. Là. J'ai presque fini. Mathieu, tu me laisses aller tout seul. M'excuse. Ben, écoute, moi, j'ai pris une bouchée de chocolat avec les Smarties. J'ai même pas eu le temps de voir la couleur. Non. Il n'y en a pas beaucoup, Smarties. 4-5 ouais. Maximum. Il m'en reste un là parce qu'il a collé. Il est collé. Mais je suis quand même content d'avoir tout pris d'un coup. Là. Ben, moi, je trouve que c'est un chocolat qui vaut pas la peine, le chocolat à l'extérieur. Les Smarties valent la peine, mais on s'entend que l'œuf doit coûter genre souvent une pièce. Donc, t'as 5 oui. Smarties et un chocolat qui goûte juste pas très bon. Mais quand même, l'effort est là puisqu'il y a quand même un. Du graphique. Oui, il y a un petit imprimé. Une petite texture sur l'œuf. Plaisant. Des balles. Bon, c'est le fun. C'est quand même cute. Donc voilà, c'était l'œuf Smarties. De Véronique Mire. Merci, Mire. Merci, Mire. Oui. Merci, Véronique. Donc voilà pour la balle bouffe de la semaine. C'est tout. Caroline, On s'est laissé aller. C'était une expérience aujourd'hui, je trouve. Hein? Oui, c'était particulier. Mais j'ai bien aimé. C'est pour animer jusqu'à 10h, le temps de faire le ménage. Ouais, c'est ça. On va évidemment tout ramasser ça. Là. Ne craignez rien pour la prochaine émission. Donc voilà pour Assemblage requis. On remercie tous nos invités de l'émission d'aujourd'hui. Donc on commence évidemment par Véronique Mire qui était là à 7h30 pour sa chronique le Véronictionnaire, pardon. Je râle encore le chocolat. Ouais. Ensuite, Robin Fournier, Karim Larroussi et Cathy Simon pour les élections de la GEQTR. Ainsi que Jason Kemp, DGE des élections. Tout à fait, nous ne l'oublions pas. François Landry avec sa chronique Logocratie 101, bien sûr. Lundi, l'émission, c'est encore flou, mais on a c'est un fait, notre classique du lundi, c'est sûr. Parfait, puis ça sera le retour de JP. Oui, JP va être de retour, c'est vrai. Dans le fond, il n'a jamais quitté. Je sais plus, là. Moi, je suis mêlé. Donc, Jean-Philippe Charbonneau va être à la co-animation lundi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Oui, mais on fait pas mal le quête au complet si on, en tout cas, si on y réfléchit. Ben oui, mais bon. Donc, c'est vrai. Lundi. Sinon, sur nos ondes, cet après-midi, évidemment, il y a le dîner de con à partir de 11h avec Danny Janvier. Ensuite, je vais être de retour avec Stéphanie Padon. En fait, je vais être seul aujourd'hui au Pamara, c'est fou, j'oubliais. Entre 15h et 18h. à 18h sur à Livre ouvert, 19h, 13e étage, mais dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, Les Belles et les Bêtes. Donc, l'émission de variété. Soyez-y, cif.ca pour la programmation complète. Un chambage requis. Pour la, les notes d'émission et les balado-diffusions. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Sur une bouche pleine. Moi, j'aime ça. J'aime ça de voir Barry Gouinet de même. T'sais, moi, je t'ai laissé parler alors que j'avais la bouche pleine. Oui. Donc, évidemment, moi, je dois remplir parce que toi, t'as la bouche pleine. Oui, j'ai la bouche pleine. Bouche pleine. la bouche pleine. C'était une semaine particulièrement intéressante, je trouve. Oui. On a passé de bon. Il y a des changements de rôle. Ben, je sais pas, là, moi, je te reconnais en tant que Stéphanie Paradis. Si quelqu'un me demande, je dirais que j'ai été avec Stéphanie Paradis. Donc, si Jean-Philippe Charbonneau voulait commettre un crime, il a l'alibi parfait parce que c'est Stéphanie Paradis qui était en studio. Aha! Puis d'ailleurs, on sait déjà qu'elle n'animera pas les palmarès cet après-midi. Non, elle n'est pas là. Donc, c'est l'alibi parfait. C'est vrai, tout est en ligne. Tout est calculé par l'équipe de feu, l'assemblage requis. Merci à nos recherchistes. Oui, merci à l'équipe complète. Merci à Alexandre pour m'avoir fait cette belle confiture. Oui, qu'on a dégusté en nombre. Délicieuse. Merci à peu importe qui a laissé un livre en espagnol sur le bureau qui nous a donné de la lecture qu'on comprenait pas. Ben oui. Et bonne fin de semaine. À lundi. Moi, je pense qu'on aurait été capable de toffer jusqu'à 10 heures. Tu penses? Oui, en disant merci. Est-ce que c'est un défi? Parce que j'ai une musique thème sans fin. Je sais pas si tu savais ça. Ah oui? J'ai ça quelque part ici. Thème instrumental sans fin. Regardez ça. Comment ça? L'autre va finir. Et ça va faire ça pendant, si tu veux, 11 minutes 40. OK. Comme pas pire. Quand même. C'est la bonne radio. Il reste des biscuits. Momento. Ah oui, ils sont tellement délicieux. Et il nous reste... Ah, attends un peu. Je regarde ça, là. Est-ce que t'es game? Allons-y. Est-ce que t'es game? Parce que Véronique Mire nous a aussi amené, est tellement trop généreuse, elle nous a amené de la gomme Hubba Bubba, dont on a parlé dans sa chronique Véronique Sénard la semaine passée. C'est, ça a commencé par la lettre H. On a appris l'historique de la gomme Hubba Bubba. On va ouvrir. Est-ce que t'as une saveur particulière, toi? Écoute, mon emballage est rose. Original, génial. OK, donc gomme ballon, saveur de gomme ballon. Moi, ouais. De mon côté, c'est plus spécial. J'ai fraise melon d'eau. Ah, rafraîchissant. On essaie chacun notre bord dans le micro magique, bien sûr. Oui. Et là, on a ouvert le paquet. Évidemment, on est rendu au bloc de gomme. Ben, écoute, c'est comme dans mon souvenir. C'est gros. Ben oui. C'est oui. Gros. Hey, verte, la mienne. Et la mienne a un centre... Mais la mienne aussi. Ah, t'as un centre aussi, OK. Mais un centre un petit peu rose, mais plus foncé, mettons. Oui, ça frôle le rouge. Moi, c'est vert et rose. Est-ce qu'on se la met tous les deux dans la bouche en même temps? C'est une bonne faire bizarre. Ben oui, c'est ça. Pour les gens qui nous voient pas, on n'est pas nus. Alors, j'y vais. Mm-hmm. Ça rappelle des souvenirs. Hein? C'est long à mâcher, hein? Ben, c'est ça. C'est une gomme. C'est pas très poli de faire de la radio avec une gomme, évidemment. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Je goûte la fraise artificielle sans cesse et ça fait baver comme ça n'a pas d'allure. C'est incroyable, hein? Ça n'a pas d'allure. J'arrive pas à parler, j'ai peur de tout mouiller ici le studio. Tu seras pas des dégâts de nourriture, ça des dégâts de bave partout. Appelle Calinette, il y a un dégât d'eau. Ah. Bon, bref, allez vous acheter de la gomme, c'est bien, bien bon. On l'a refait. On l'a refait, c'était un test, hein? Oui. Puis, bonne fin de semaine. J'ai vraiment beaucoup de bave, Mathieu. Ouais, vraiment, là, je suis plus capable. Ça coule partout. Bye.